Monsieur de Focas de Jean Lorrain. Le legs. Monsieur de Focas. Je tournais et retournais la carte entre mes doigts. Le nom m'était complètement inconnu. En l'absence du valet de chambre alors caserné à Versailles, pour une période de 28 jours, la cuisinière avait introduit le visiteur. Monsieur de Focas était dans mon cabinet de travail. Je quittai en bougonnant le fauteuil où je somnolais. Cette journée était si chaude, et décidé à dépêcher l'important, je pénétrai dans mon cabinet. Monsieur de Focas. Écartant doucement la portière, je m'étais arrêté au seuil. Étroitement moulé dans un complet de drap vert myrte, cravaté très haut d'une soie vert pâle et comme sablé d'or, Monsieur de Focas était un frêle et long jeune homme de 28 ans à peine, à la face exsangue et extraordinairement vieille, sous des cheveux bruns, crépelés et courts. Ce profil précis et fin, la raideur voulue de ce long corps fluet, l'arabesque, si je puis m'exprimer ainsi, l'arabesque tourmentée de cette ligne et de cette élégance, j'avais déjà vu tout cela quelque part. D'ailleurs, Monsieur de Focas ne semblait pas m'apercevoir. Daignait-il seulement? Debout près de ma table de travail, il hanchait légèrement dans une pose pleine de grâce, et de l'extrémité de sa canne, un jonc d'au moins 10 louis, dont la pomme, un ivoire vert d'un travail bizarre, me requérait immédiatement. Du bout de sa canne, donc, Monsieur de Focas feuilletait un manuscrit, posé parmi des papiers et des livres, et le lisait de haut, négligemment. C'était odieux, intolérable et d'une parfaite impertinence. Ce manuscrit, ses pages de prose ou de vers, ses notes et ses lettres, cette œuvre est mon œuvre en somme remuée du bout de la badine, dans l'intimité de mon home, par ce visiteur curieux et indifférent. J'étais à la fois indigné de l'acte, mais ravi de son audace, car j'aime et j'admire l'audace en toute chose, et en qui que ce soit. Mais déjà, toute mon attention était ailleurs, les yeux pris à l'incendie verdâtre, brusquement allumé au pli de la cravate par une énorme émeraude, dont la petite tête hautaine s'éclairait étrangement, si étrange déjà par elle-même la petite tête fine et glabre, tout en méplat, on eût dit, modelée dans de la cire pâle, une tête semblable à celle que l'on voit signée Clouet ou Porbus dans la galerie du Louvre consacrée aux Valois. Monsieur de Focas ne semblait même pas se douter de ma présence, et, flexible et fier, il continuait de ramer dans mes papiers, à distance, quand la manche de sa jaquette s'étant un peu relevée, je vis qu'un mince bracelet de platine, un fil d'aigue et d'opale, était rivé à son poignet droit. Ce bracelet, maintenant je me souvenais. J'avais déjà vu ce frêle et blanc poignet de fin race, ce cercle étroit de platine et de gemmes. Oui, je les avais vus, mais manœuvrant cette fois au-dessus des pierres et des écrins de choix d'un prestigieux artiste, d'un maître orfèvre et ciseleur, chez Barucchini, ce dompteur de métaux qu'on croirait échappé de Florence et dont l'officine, connue des seuls amateurs, se dérobe au fond de la si curieuse et ancienne cour de la rue Visconti, la plus étroite peut-être des rues du vieux Paris, la rue Visconti, où Balzac fut imprimeur. Délicieusement pâle et transparente, main de princesse et de courtisane, ce jour-là la main dégantée du duc de Fréneuse, car je me rappelais aussi son vrai nom maintenant, ce jour-là la main dégantée du duc de Fréneuse planait avec d'infinie lenteur au-dessus d'un tas de pierres dures, lapis lazuli, sardoine, onyx et cornaline, piquées çà et là de topazine, d'améthyste et de rubacelle. et la main parfois se posait à un oiseau de cire, désignant du doigt la gemme choisie, la gemme choisie. Et mes souvenirs se précisant, voilà que j'évoquais aussi le son de la voix, le ton du duc prenant congé de Baruchini et disant d'un timbre bref à l'orfèvre: Il me faudrait cet objet dans 10 jours. Vous n'avez, en somme, que des incrustations à faire. Je compte sur vous, Baruchini, comme vous pouvez compter sur moi. Un pan de métal émaillé, dont il venait de donner la commande au maître ciseleur, et dont il venait d'assortir lui-même toute la roue en pierreries. Une originalité de plus à ajouter à la liste de tant d'autres, car les fantaisies du duc de Fréneuse ne se comptaient plus. Elles avaient même une histoire légendaire. Mieux, le personnage, l'homme, avait une légende qu'il avait créée inconsciemment d'abord, et qu'il s'était pris depuis à aimer et à entretenir. Quelle fable n'avait-on pas chuchoté sur ce jeune homme, 5 fois millionnaire, qui, de grande race et des mieux apparentés, n'allait pas dans le monde, vivait sans amis, n'affichait pas de maîtresse, et quittait régulièrement Paris fin novembre pour aller passer ses hivers en Orient. Un profond mystère, épaissi comme un plaisir, enveloppait sa vie. Et en dehors des 2 ou 3 grandes premières qui révolutionnent Paris, chaque printemps, on ne rencontrait jamais nulle part ce pâle et long jeune homme à la taille si droite et à la face si lasse. Il avait fait courir jadis et avait eu des succès d'écurie. Puis il avait cessé brusquement de suivre les réunions. Il avait liquidé ses chevaux, vendu son haras. Et après les boudoirs de filles désertées, tout d'abord, avait fait peu, après défection, au salon du faubourg, qui néanmoins l'avait encore quelque temps retenu. Et ça avait été une rupture avec tous, une complète disparition. Toute l'année, Fréneuse voyageait maintenant à l'étranger. Pourtant, au printemps, quand quelque sensationnel acrobate, homme ou femme, était signalé dans un établissement comme à l'Olympia, au cirque ou aux Folies Bergères, il arrivait parfois d'y rencontrer Fréneuse, tous les soirs d'une même semaine, et cette étrange insistance devenait encore un nouveau prétexte à histoire, une source d'hypothèses et de quels racontars. On le devine aisément. Puis Fréneuse replongeait soudain dans la retraite le silence. Il était reparti pour Londres, ou Smyrne, les Baléares, ou Naples, peut-être Palerme ou Corfou, on ne savait, jusqu'au jour où quelqu'un du club le signalait pour l'avoir rencontré sur le quai, chez un antiquaire, ou rue de Lille, chez quelques marchands de pierres rares, ou bien encore chez un numismate de la rue Bonaparte, attablé, la loupe à la main et singulièrement attentif. Devant quelqu'un taille du XIIe siècle ou quelque camé de collection. Fréneuse possédait dans son hôtel de la rue de Varennes tout un musée secret de pierres dures, célèbres parmi les amateurs et les marchands. Il avait aussi, disait-on, rapporté de l'Orient des souks de Tunis et des bazars de Smyrne, tout un trésor de bijoux anciens, de tapis précieux, d'armes rares et de poisons violents. Mais Fréneuse vivait sans amis. Nul n'était admis à visiter l'hôtel familial. Ses seules relations étaient des marchands ou des collectionneurs comme lui, et parmi eux, Baruchini, le maître ciseleur, était peut-être le seul qui eût jamais franchi le seuil de la rue de Varennes. Tout mondain était sincèrement consigné à la porte. On l'aurait dérangé dans ses fumeries d'opium, disait le monde, par vengeance, et c'était la plus anodine des histoires mises en circulation sur le compte de Fréneuse. Tant rancunier était le beau dépit d'une société d'oisifs et d'inutiles. Cet homme avait rapporté avec lui tous les vices de l'Orient. Et c'est le duc de Fréneuse que j'avais chez moi, feuilletant négligemment mes manuscrits du fin bout de sa canne, freineuse et ses légendes, son passé mystérieux, son présent équivoque, et son avenir plus sombre. Freineuse encore chez moi sous un faux nom. Il levait les yeux et m'apercevait enfin, après une courte inclinaison de tête, le geste de rassembler les feuillets épars sur ma table, et comme s'il avait lu dans ma pensée. « D'abord, excusez-moi, monsieur, de me présenter chez vous sous un faux nom. Ce nom est maintenant le mien. Le duc de Freineuse est mort, il n'y a plus que monsieur de Phocas. D'ailleurs, je suis à la veille de partir pour une longue absence, de m'exiler de France peut-être pour toujours, et cette journée est la dernière qui me reste. Je viens de prendre une grande décision. » Mais tout cela vous importe peu sans doute, et pourtant si, puisque je viens vous voir un peu pour cela. » En me demandant d'un geste de le laisser continuer, refusant de la main le siège que je lui offrais, « Vous connaissez Baruchini, vous avez même commis sur lui et son art de ciseleur des pages inoubliables, pour moi du moins, puisque c'est à leur auteur que je rends aujourd'hui visite. » C'était dans la revue de Lutèce. Vous avez compris et décrit en poète l'art prismatique, aux lueurs troubles et multiples de cet orfèvre magicien. Oh, le feu sourd et changeant qui dort dans ses bijoux, les détails de nature, animaux ou fleurs, qui sertissent l'eau des gemmes. L'avez-vous assez bien chanté, cette flore orfèvrerie, à la fois byzantine, égyptienne et renaissance? En avez-vous assez saisi les aspects de madrépores et de joyaux sous-marins? Oui, sous-marins, car fleuris de béryl, de péridot, d'opale et de saphir pâle, couleur d'algues et de vagues, d'un émail céruléen presque. Ils ont l'air de joyaux, restés longtemps au fond de la mer, et anneaux de Salomon, ou coupe du roi de Tulé, ils sont surtout les crins des villes englouties, et la fille du roi Dis devrait en porter de semblables, quand elle livra les clés des écluses aux démons. Oh, les colliers de Baruchini, ces ruissellements de pierres bleues et vertes, ces bracelets trop lourds incrustés d'opales. Gustave Moreau en a fleuri la nudité de ces princesses maudites. Ce sont les joyaux de Cléopâtre et de Salomé. Ce sont aussi des joyaux de légende, des joyaux de clair de lune et de crépuscule. Et cela se passait dans des temps très anciens. Voilà la formule, avez-vous écrit, qui monte aux lèvres devant ces fruits d'émail et ces fleurs de gemmes émaillées dans des ors. Bijoux de Memphis ou de Byzance? C'est à l'Égypte et au Bas-Empire qu'ils font surtout changer, mais peut-être encore plus à la ville du roi Dis et à ses cloches submergées. Vous voyez que je connais mes auteurs. Or, personne plus que moi n'a souffert du morbide attrait de ces bijoux, et malade à en mourir, puisque je m'en vais de leur poison translucide et glauque, c'est à vous que j'ai voulu me confier, monsieur. Vous qui avez compris leur somptueux et dangereux sortilège, jusqu'à en communiquer aux autres le malaise et le frisson. Vous seul pouviez me comprendre, vous seul pouviez accueillir avec indulgence les affinités qui m'attirent vers vous. Le duc de Freineuse n'était qu'un original, monsieur. Pour tout autre que vous, monsieur de Phocas serait un fou. J'ai tout à l'heure prononcé le nom de la ville d'Is et du démon qui engloutit la ville, le démon de luxure qui séduisit la fille du roi. Si un envoûtement pouvait se prolonger à travers les siècles, je dirais que ce démon est en moi. Oui, un démon me torture et me hante, et cela depuis mon adolescence, qui sait. Peut-être était-il déjà en moi quand je n'étais qu'un enfant. Car, dussé-je vous paraître halluciné, monsieur, voilà des années que je souffre d'une chose bleue et verte. Lueur de gemme ou regard, je suis amoureux, pis, envoûté, possédé d'une certaine transparence glauque. C'est comme une faim en moi. Cette lueur, je la cherche en vain dans les prunelles et dans les pierres, mais aucun œil humain ne la possède. Parfois, je la trouve dans l'orbite vide d'un œil de statue ou sous les paupières peintes d'un portrait. Mais ce n'est qu'un leurre. La clarté s'éteint à peine apparue. Je suis surtout un amoureux du passé. Vous dire à quel point les vitrines de Baroqueni ont exaspéré mon mal. Je voyais sourdre, je voyais poindre en ces joyaux le regard que je cherche, le regard de Dagut, la fille du roi Daïs, le regard de Salomé aussi, mais surtout la clarté limpide et verte du regard d'Astarté, d'Astarté qui est le démon de la luxure, et aussi le démon de la mer. Et averti sans doute par l'effarement de ma physionomie, oui, il est entendu que je suis un visionnaire, et de quelle vision? Puisse ce supplice vous être épargné, car j'en souffre tellement que je m'en vais. Oui, c'est à cause de ces visions et de leurs horribles conseils, d'un tas de choses chuchotées par elles dans l'horreur des nuits, que je quitte Paris, la France et la vieille Europe qui ne peuvent plus les contenir. L'heure est s'apprête en Asie, ainsi cette nuit encore, mais j'abuse. Voilà ce que je viens vous demander, monsieur. Je pars. Peut-être ne me reverrez-vous jamais. J'ai consigné dans ces feuillets les premières impressions de mon mal, les inconscientes tentations d'un être aujourd'hui sombré dans l'occultisme et la névrose. Voulez-vous me permettre de vous confier ces pages? Voulez-vous me promettre de les lire? De l'Asie pour laquelle je m'embarque, et où je vais me fixer dans l'espoir d'y trouver un remède à mes obsessions, je vous enverrai la suite de cette première confession, car j'ai besoin de crier à quelqu'un les affres de mon angoisse, besoin de savoir, ici, en Europe, quelqu'un qui me plaigne et se réjouisse de ma guérison, si jamais le ciel me l'envoie. Voulez-vous être ce quelqu'un? Je tendis la main à monsieur de Phocas. Et ses mains, la douceur fondante de ses mains toujours glacées, leur glissement entre les doigts tel une fuite de couleuvre. Vous n'avez pas remarqué ses mains? Moi, sa poignée de main m'a toujours singulièrement impressionné. Si l'on peut appeler poignée de main une étreinte insaisissable de doigts fluides et froids. Pour moi, c'est surtout l'œil qui était inquiétant, cet œil palmant bleu, d'une dureté de pierre dure, du lapis ou de l'acier, on ne savait tant il avait ses yeux des lueurs glacées, et l'insistance de son regard. J'en étais, moi, tout déconcerté, chaque fois qu'il me parlait au club. Oui, c'est un monsieur plutôt bizarre, c'est comme son âge. Vous savez qu'il a au moins 40 ans. Lui, il en paraît 28. Allons donc, vous ne l'avez donc jamais regardé. La face est horriblement vieille, le corps est demeuré jeune, cela, je l'avoue. On n'est pas plus sveltement souple, mais la figure est ravagée. Le teint bis d'une lassitude abominable. Et la bouche, la crispation de ce sourire, cette bouche contractée à une expérience de 100 ans. L'opium use vite, rien n'abîme l'Européen comme l'Orient. Ah, c'est un fumeur de kiff. Sans doute. Comment expliquer autrement les étranges abattements, les fatigues effroyables qui le terrassaient tout à coup, il y a 5 ans. Et au club, au moment de sortir, le forçait à s'étendre et à demeurer pendant des heures. Des heures? Oui, de longues heures, inertes, les membres comme dénoués, anéantis. Voyons, demoiselle, vous qui l'avez connu, n'avait-il pas arrivé une fois de dormir 40 heures en 2 jours? 40 heures. Parfaitement. Il s'éveillait juste aux heures des repas pour prendre sa nourriture et retombait après dans sa torpeur. Fréneuse avait même une sorte d'effroi de ses sommeils. Il flairait là un phénomène anormal, lésion du cerveau ou dépression nerveuse. La fâcheuse anémie cérébrale qui suit les grandes débauches, encore une légende. Je n'ai jamais cru, moi, aux débauches de ce pauvre duc. un être si frêle, d'une complexion si délicate. Franchement, il n'y avait pas la place chez lui pour la débauche. Peu. Et Lorenzatio? Si vous citez les Médicis, Lorenzatio, un Florentin passionné de rancune, un être d'énergie et de vengeance, lentement couvé et caressé comme on caresse la lame d'une dague, si vous comparez à ce foie de fiel freineuse, un fantasque, un oisif, un sans but dans la vie. Pour moi, il avait fumé l'opium, en Orient, d'où ses somnolences, ses léthargies morbides, le danger des mauvaises habitudes. Il s'en était bien défait à la longue, mais la lourde influence du poison opiacé l'opprimait toujours. D'ailleurs, ses yeux d'acier bleuis étaient-ils assez des yeux de fumeur d'opium? La charriait-il encore assez dans ses veines, la pesante ivresse du chanvre? L'opium, c'est comme la syphilis. Et de Mazel lâchait le mot tout à trac. Cela se garde des années dans le sang. Ça s'élimine à la longue. Mais il faut en absorber de l'iodure. Alors, Chamerois, il a bon dos, votre opium. Pour moi, le cas de Freineuse est bien autrement compliqué. Un malade, lui, non, un personnage de comte d'Hoffmann. Vous êtes-vous jamais donné la peine de bien le regarder? Cette pâleur pourrissante, la crispation de ses mains effilées, plus japonaise de forme que des chrysanthèmes, ce profil d'arabesque, et cette maigreur de vampire, tout cela ne vous a jamais donné à réfléchir? Mais Freineuse a 100 000 ans, malgré son corps souple et sa face imberbe. Cet homme-là a déjà vécu dans des temps antérieurs, et sous Héliogabal, et sous Alexandre IV, et sous les derniers Valois. Que dis-je? C'est Henri III lui-même. J'ai dans ma bibliothèque une édition de Ronsard, une édition rare, reliée en peau de truie, avec des fers du temps, qui contient un portrait du roi gravé sur vélin. Un de ces soirs, je vous apporterai le volume, vous jugerez. À part la fraise, le pourpoint busqué et les pendants d'oreilles, vous croirez le duc de Freineuse. Moi, sa présence ici m'apportait toujours un malaise, et tant qu'il était là, c'était comme une oppression, comme un poids. Telles étaient les divagations soulevées autour du départ de Freineuse, et de la mise en vente de l'hôtel et du mobilier de la rue de Varennes, annoncée l'avant-veille à la 4e page du Figaro et du Temps. Raconteur, légende, hypothèse, il avait suffi de prononcer le nom de Freineuse pour faire fermenter, comme un levain, toute la sottise des mensonges et des présomptions. D'ailleurs, ces clubmen élégants et légers ne m'apprenaient rien. Tous ces chutements sourds de la médisance et de l'opinion publique, intrigués et mystifiés, il y avait 10 ans que je les entendais bruire et courir autour du nom de l'actuel monsieur de Phocas. C'était cet homme qui m'avait élu comme confident. C'était à moi qui étais échu de par sa volonté, l'honneur ou la honte de déchiffrer sa vie, d'en connaître enfin l'énigme consignée aux pages d'un manuscrit, entièrement écrite de sa main, quoique de diverses écritures. Car l'écriture de l'homme change avec ses états d'âme, et le graphologue reconnaît à un trait de plume la chute d'un honnête homme devenu un coquin. Donc, entièrement écrite de sa main, je me décidai un soir à lire les pages confiées, celles que M. de Phocas relisait si dédaigneusement, étalées sur ma table, et du bout de sa canne et du coin de ses yeux, aux sourcils teints et peints. Je les transcris telles quelles, dans le désordre incohérent des dates, mais en supprimant néanmoins quelques-unes d'une écriture trop hardie pour pouvoir être imprimée. C'était d'abord sur le premier feuillet cette citation tronquée de Swinburne. « Il y a une fiévreuse faim dans mes veines. Le péché, est-ce un péché quand les âmes des hommes sont jetées dans le gouffre? Cependant, j'avais bonne confiance pour sauver mon âme. Avant qu'elle glissât sous les pieds, chaussée de feu de la luxure. Ô oh, le triste enfer où toutes les douces amours ont leur fin, sauf la douleur qui jamais ne finit. Et puis ces quatre vers de Musset, tirés d'À quoi rêvent les jeunes filles. Ah, malheur à celui qui laisse la débauche planter son clou de fer sous sa mamelle gauche. Le cœur d'un homme vierge est un vase profond. La mer a beau passer quand la tâche est au fond. Et les impressions personnelles commençaient. 8 avril 1891. L'obscénité des narines et des bouches. L'ignominieuse cupidité des sourires des femmes rencontrées dans la rue. La bassesse sournoise et tout le côté hyène et bête, fauve, prête à mordre des commerçants dans leurs boutiques et des promeneurs sur les trottoirs. Comme il y a longtemps que j'en souffre, j'en souffrais déjà enfant, qu'en descendant par hasard à l'office, je surprenais, sans les comprendre, les propos des domestiques déchirant les miens à belles dents. Cette hostilité de toute la race, cette haine sourde d'une humanité de loups cerviers, je devais la retrouver plus tard au collège et moi-même, qui ai la répugnance et l'horreur de tous les bas instincts. Ne suis-je pas instinctivement violent et ordurier, meurtrier et sensuel comme cette foule sensuelle et meurtrière? La foule des émeutes qui jette les sergents de ville à la Seine et criait il y a 100 ans « Des aristos à la lanterne !» comme elle vocifère aujourd'hui « À bas l'armée !» ou « À mort les juifs !» 30 octobre 1891. Il n'y a de vraiment beau que des visages de statues. Leur immobilité est autrement vivante que les grimaces de nos physionomies. Comme un souffle divin les anime. Et puis quelle intensité de regard dans leurs yeux vides. J'ai passé toute ma journée au Louvre, et le regard de marbre de Lantinus me poursuit. Avec quelle mollesse et quelle chaleur à la fois savante et profonde, ses longs yeux morts se reposaient sur moi. Un moment j'ai cru voir des lueurs vertes. Si ce buste m'appartenait, je ferais incruster des émeraudes dans ses yeux. 23 février 1893. J'ai fait aujourd'hui une démarche ignoble. J'ai essayé de circonvenir un journaliste, que je connais à peine, pour obtenir de lui d'assister à une exécution. Je l'ai même invité à dîner, et l'homme m'ennuie et le sang me répugne. Me répugne à un tel point que chez le dentiste, en entendant un cri dans la pièce à côté, je défaille presque et crois me trouver mal. Une carte m'a été promise pour la cérémonie. Irai-je à cette exécution? 12 mai 1893, Naples. Je viens de voir la plus belle collection de pierres dures. Oh, ce musée! Quelle pureté de profil et quelle suavité de ligne dans les moindres camées! Les Grecs ont plus de grâce. Je ne sais quelle sérénité heureuse qui pourrait bien être le caractère de la divinité. Mais les entailles romaines ont je ne sais quelle ardeur intense. Il y avait là dans le chaton d'une bague une tête adolescente, couronnée de lauriers. Quelque jeune César ou quelque impératrice, Caligula, Othon, Messaline ou Poppée, mais d'une expression exténuée et jouisseuse à la fois déchirante et si lasse que je vais en rêver bien des nuits. Rêver! Certes, il vaut mieux vivre, et je ne fais que rêver. 13 juillet 1894. On rencontre les soirs de fête, très tard, dans les rues, de bizarres passantes et de plus étranges passants. Ces nuits de joie populaire remueraient-elles au fond des êtres d'anciens avatars oubliés? Mais j'ai absolument croisé ce soir dans le remous de la foule excitée et suante des masques d'affranchis bithyniens et de courtisanes de la décadence. Il se dégageait ce soir de cette grouillante esplanade des invalides, à travers les pétarades, les tirs, les relents de fritures, les hoquets d'ivrognes et l'atmosphère empestée des ménageries, de fauves effluves d'une fête sous Néron. C'était presque l'odeur d'une soirée de mai sur le Basso Porto de Naples, et des visages erraient dans cette foule qu'on eût pu croire sicilien. 29 novembre, même année. Le regard morne et si lointain de Lentinus, la prunelle extasiée et féroce, implorante pourtant du camée romain. Je viens de les retrouver, et cela dans un pastel plutôt lâché de facture et signé d'un nom de femme. Une peintresse inconnue à laquelle pourtant je ferais bien une commande si j'étais sûr qu'elle reproduisît cet étrange regard. Et cependant, moins que rien, ces deux ou trois crayons de pastel écrasés autour de cette face carrée, amaigrie, au maxillaire énorme, et plafonnant, la bouche voluptueusement ouverte, les narines dilatées, sous une lourde couronne de violette, avec au coin de l'oreille un pavot. La face est plutôt laide, d'une couleur cadavéreuse et triste, mais sous les paupières à peine soulevées, lui et sommeille une aussi verte, l'eau morne et corrompue d'une âme inassouvie, la dolente émeraude d'une effrayante luxure. Je donnerai tout pour trouver ce regard. 18 décembre, même année. Dort-elle ou veille-t-elle? Car son cou, baisé de trop près, porte encore une tache pourprée où le sang meurtri palpite et s'efface. Douce et mordue doucement, plus belle pour une tache. Los Veneris, Swinburne. Oh, cette tache violâtre sur ce beau cou de femme endormie, et l'abandon presque pareil à la mort, le calme de ce corps anéanti de plaisir. Comme elle m'attirait cette tache, j'aurais voulu y appliquer mes lèvres, et sucer lentement toute l'âme de cette femme, et cela jusqu'au sang. Et puis ce pouls régulier m'énervait. Le souffle de sa respiration, sa gorge à temps égaux soulevée, m'obsédait comme le tic-tac d'une pendule de cauchemar. J'ai vu le moment où mes mains crispées allaient étreindre la dormeuse à la gorge, oui à la gorge, et la serrer jusqu'à ce qu'elle ne respirât plus. J'aurais voulu l'étrangler, la mordre, l'empêcher de respirer, surtout, ah, ce souffle continu. Je me suis levé, une sueur froide autant, bouleversé par l'âme d'assassin que j'avais été pendant 10 secondes. J'avais dû nouer mes deux mains, l'une à l'autre, pour les empêcher de se poser sur ce cou. Elle dormait, et de ses lèvres sortait une petite odeur de pourriture. Cette odeur fade, tous les êtres humains l'exhalent en dormant. Oh, les seins de la Thébaïde, que de coupables nudités doucement entr'ouvertes venaient tenter la nuit dans le mirage des sables. Oh, ces errantes figures de volupté dont les reins et les ventes frôleurs laissaient des sillages d'encens et d'aromates. Et c'était pourtant de mauvais esprit. 3 janvier 1895. J'ai dormi de nouveau avec cette femme et la tentation m'est revenue. Oui, la tentation du meurtre. Quelle honte! Je me souviens qu'enfant, je m'aimais à torturer les bêtes. Et je me rappelle aussi l'aventure de deux tourterelles qu'on m'avait mise une fois entre les mains pour me distraire et qu'instinctivement, inconsciemment, j'étouffais en les serrant. Je ne l'ai pas oublié, cette atroce histoire. Et je n'avais que 8 ans. La palpitation de la vie m'a toujours rempli d'une étrange rage de destruction. Et voilà 2 fois que je me surprends des idées de meurtre dans l'amour. Y aurait-il en moi un être double? Là finissait le premier manuscrit. Chapitre 3, l'oppression. Sans date. La beauté du XXe siècle, le charme d'hôpital, la grâce de cimetière, de la phtisie et de la maigreur, dire que j'ai subi tout cela. Puis, je l'ai aimé à mon heure. Rat d'opéra lisse, du rat mort, mondaine frêle, au museau de rongeur. J'ai eu dans ma vie des ballerines impubères, des duchesses émaciées, douloureuses et toujours lasses, des mélomanes et des morphinées, des banquières juives aux yeux plus en caverne que ceux des rôdeurs de banlieue, et des figurantes de music hall qui, à souper, versaient de la créosote dans leur rôderaire. Et j'ai même eu des insexués des tables d'hôtes de Montmartre, et jusqu'à de fâcheuses androgynes. Comme un snob et comme un mufle, j'ai aimé des petites filles anguleuses, effarantes et macabres, le ragoût de phénol et de piment des chloroses fardées et des invraisemblables minceurs. Comme un imbécile, j'ai cru aux bouches de proie et d'agonie, et comme un niais, aux larges yeux de luxure d'un tas de petits êtres maladifs, alcooliques, cyniques, pratiques et solliciteurs. La profondeur des yeux du mystère des bouches, la courtière en bijoux aux unes, la manucure aux autres les fournissait avec les eaux de toilette, les savons et les fards. Et Fanny, l'été romane, remontée tous les matins par un savant dosage de cola et de coca, ne mettait d'éther que sur ses mouchoirs. Trucage et battage pour parler leur argot salisseur, leur pourriture phosphorescente, leur ferveur émaciée, leur brûlure de lesbos, des vis d'enseigne affichées pour amorcer le client, de la perversité pour jeunes et vieux messieurs en mal de goût pervers. Tout cela de pétiller ne flambait qu'à l'heure où le gaz s'allume, dans les couloirs des music halls, et le décor brutal et nickelé des bars, et sous le carrick cerise à trois collets de la noctambule, comme sous les grègues bouffantes de la cycliste, tout cet aguichant étalage de pâleurs passionnées, de vices savants et d'anémies exténuées et jouisseuses, tout le charme des fleurs faisandées célébrées par les bourgeais et les barresses, tout cela n'était qu'un rôle à prix et cent fois ressassé de la dame, un chapitre trop lu du Manchon de Francine, pioché et travaillé par d'ingénieuses cabottes, conscientes de la salauderie des mâles et de leurs moyens d'action sur l'organisme éreinté de l'acheteur. Dire que j'ai aimé moi aussi ces petites bêtes malfaisantes et malades, ces fausses primavera, ces jocondes au rabais, tout le stock à 5 louis des Léonard et des Botticelli, des ateliers de peintres et des brasseries d'esthètes, ces fleurs en fil d'arcale de Montparnasse et de Levallois-Perret, et l'odieux, le fâcheux travesti, le travesti fessu, aux jambes erronières, aux torses corsetés, opprimant à regarder des laides ronds primés des boîtes du boulevard, le faux saxe de Nina Grandière et l'esthétique de bocal de pharmacie, l'aspect spectral et réclame à la fois de Mademoiselle Guilbert et de ses longs gants noirs. Ai-je assez maintenant l'horreur de ce cauchemar? Comment ai-je pu le supporter si longtemps? C'est qu'alors j'ignorais les formes mêmes de mon mal. Il était latent en moi, comme un feu sous les cendres. Je le caressais depuis mon enfance peut-être, car il fut toujours en moi, mais je ne le savais pas. Oh, cette chose bleue et verte qui me fut révélée dans l'eau morte de certaines gemmes et l'eau, plus morte encore de certains regards peints, la dolente émeraude des joyaux de Barocchini et de certains yeux de portrait. Je ne l'avais pas défini encore, et si j'ai tant souffert de mon impuissance d'aimer auprès de toutes ces femmes, c'est qu'aucune d'elles n'avait vraiment de regard. Vendredi 3 avril 1895. Oraison mauvaise. Que ta bouche soit bénie, car elle est adultère. Elle a le goût des roses nouvelles et de la vieille terre. Elle a sucé les sucs obscurs des fleurs et des roseaux. Quand elle parle, on entend comme un bruit très lointain de roseaux, et ce rubis impie de volupté, tout sanglant et tout froid. C'est la dernière blessure de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, vendredi saint, un désir d'émotion d'enfance, une habitude ressouvenue d'ancienne piété m'a fait suivre les offices à Notre-Dame. J'ai voulu tenter de rafraîchir. Oh, si j'avais pu l'éteindre, la brûlure de ma plaie dans l'ombre froide d'une église. Pendant que les proses latines montaient et retombaient, psalmodiées par le prêtre avec des lenteurs de glas, j'avais beau en suivre le texte dans mon livre, c'étaient les horribles vers de Rémy de Gourmont qui, telle une caresse, effleuraient mes lèvres, telle une caresse et telle aussi un sacrilège. Que tes pieds soient bénis, car ils sont des honnêtes. Ils ont chaussé les mules des lupanards et des temples en fête. Ils ont mis leurs talons sourds sur l'épaule des pauvres. Ils ont marché sur les plus purs, sur les plus doux, sur les plus pauvres. Et la bouche améthyste qui tend la jarretière de soie. C'est le dernier frisson de Jésus sur la croix. L'office des ténèbres avait beau pleurer la mort de Christ, dans le silence chuchotant de la chapelle convertie en tombeau, je n'entendais que la mauvaise antienne du poète. Que tes yeux soient bénis, car ils sont homicides. Ils sont pleins de fantômes, et l'ironie des chrysalides y dort comme l'eau fanée qui dort au fond des grottes vertes. On voit dormir des bêtes parmi des anémones bleues, vertes. Et voilà que, promenant sur ma chair la douceur des choses, glauques, évoquées comme des émeraudes taillées en olive, comme des bouts de doigts frais, erraient maintenant dans la paume de mes mains. J'avais laissé glisser mon livre à terre et écroulé sur mon prie-Dieu, je m'y tenais accoudé d'un bras, et l'autre bras pendait, main inerte et ouverte, près de moi. Et des choses fraîches et rondes coulaient dans cette main, s'égrenaient dans mes doigts. La sensation était si imprévue, si finement pure et si délicieusement effleurante, qu'un frisson me redressa le torse. Étais-je dans une hyperesthésie sensuelle, parvenue à matérialiser sur ma peau le contact des yeux de ma convoitise. Je demeurai une minute dans le doute et dans l'espace, pour mieux retenir la sensation et la faire bien mienne. Je baissai mes paupières, mais le contact se précisait. Sous l'insistance de la caresse, je regardais, je voulais voir. Une femme en deuil, une femme encore jeune, sous ses voiles de veuve, était assise à mes côtés, et doucement égrenait son chapelet dans mes doigts. Elle l'égrenait, les paupières modestement baissées, mais un sourire entr'ouvrait l'arc mince de sa bouche. Entre ses cils, comme entre ses lèvres roses, du blanc, pareil à de l'argent, luisait. Ô douloureux saphir d'amertume et d'effroi, saphir, dernier regard de Jésus sur la croix. Mardi 16 juin 1895. J'étais à l'Olympia hier soir. La laideur de cette salle, la laideur de l'assistance surtout. Oh, ce costume moderne et la disgrâce de cet attirail de tôle qui constitue la tenue idéale de l'homme. Tous ces tuyaux de poêle où sans manches les jambes, les bras et le torse d'un clubman étranglé par un carcan de porcelaine blanche, et le triste, le gris de toutes ces forces vannées par la mauvaise hygiène des villes et l'abus des alcools, le ravage des veilles et des soucis de la lutte imprimée antique nerveux sur tous ces mous et gras visages, leur pâleur de sein doux, dans les loges au fauteuil d'orchestre auprès de la banalité des mâles, triomphait l'extravagance et la vanité des femelles. C'étaient les édifices de plumes, de gaz et de soie peinte, écrasant des coups frêles et des poitrines plates. D'étroites épaules engoncées de manches énormes, la maigreur étoffée des phtisies à la mode, ou bien, pis encore, l'éléphantiasis cuirassé de jets des grosses dames, et cela sous les jets crus du gaz. Et pendant que tous ces fantoches se souriaient et s'examinaient du bout de la lorgnette, sur la scène c'était le déploiement lent et souple, le jeu savant de tous les muscles d'un merveilleux corps humain. Moulé dans un maillot de soie pâle, un acrobate nudité brillantée et moirée par places de lumière électrique et de sueur, se renversait dans un cambrement de tout son être. Puis, se redressant tout à coup dans un effilement des hanches et des jambes pointées vers les frises, imposait à tous l'hallucinant spectacle d'un homme devenu rythme, d'une souplesse animée d'un mouvement d'éventail. J'étais dans la loge du cercle. En France, l'admiration seule des statues est permise. Les pays du soleil n'ont pas ces préjugés, et en oriental que je suis devenu, comme je faisais remarquer les admirables proportions et l'harmonie des gestes de l'acrobate en scène, le marquis de V, j'ai toujours détesté sa voix de fausset et ses petits yeux clairs, le marquis de V me dit avec un mauvais sourire « Et puis ce gymnasiarque peut se casser le cou à chaque seconde, c'est très périlleux ce qu'il fait là, mon cher. Et ce qui vous plaît en lui, c'est le petit frisson qu'il vous donne. Quelle émotion si ses mains suantes lâchaient la barre. Avec la vitesse acquise de son mouvement de rotation, il se romprait net la colonne vertébrale, et qui sait si un peu de matière cervicale ne jaillirait pas jusqu'à nous. Ce serait très sensationnel, et vous auriez une émotion rare, ajoutée à celle de votre champ d'expérience. Car vous les collectionnez, vous, les émotions. Quel joli ragoût d'épouvante nous sert là cet homme en maillot. Avouez que vous désirez presque qu'il tombe. Moi aussi, d'ailleurs, et beaucoup de gens dans cette salle sommes dans le même état d'angoisse et d'attente. C'est l'horrible instinct de la foule devant les spectacles qui réveille en elle les idées de luxure et de mort. Ces deux aimables compagnons voyagent toujours ensemble. Et croyez qu'à ce moment même, voyez, l'homme ne tient plus à sa barre que par une crispation d'orteils. À ce moment même, bon nombre de femmes dans ses loges désirent ardemment cet homme moins pour sa beauté que pour le danger qu'il court. Et puis la voix tout à coup nuancée d'intérêt. Vous avez les yeux singulièrement pâles ce soir, mon cher Fredeuse. Il faut renoncer au bromure et vous mettre au valérianate. Vous avez une âme charmante et curieuse, mais il faut commander à ses mouvements. Vous convoitiez trop ardemment, trop évidemment surtout, sinon la mort, du moins la chute de cet homme, ce soir. Je ne répondis pas. Le marquis de V avait raison. La folie du meurtre m'avait ressaisi. Le spectacle m'hallucinait. Raidi dans une lancinante et délirante angoisse, j'attendais la chute de cet homme. Il y a en moi un fond de cruauté qui m'effraie.